Chapitre 18. Comment l'enfant Jésus fit le portrait de sa mère. Le bloc lumineux dominait tout le pays. Sa base était enfouie si profond dans le roc qu'aucune force terrestre n'aurait pu le déplacer. L'artiste crut d'abord qu'un rayon de lune l'argentait, mais il reconnut de plus près qu'il projetait la lumière au lieu de la recevoir. « À l'œuvre, maître, dit Emmanuel, il faut que notre tâche soit terminée à l'aube. Comment m'y prendrai-je? Voilà un mois que je marche. J'ai fait plusieurs milliers de lieues cette nuit. Je suis à bout de force. Plus heureux que moi, si vous pouvez vous mettre au travail, commencez l'œuvre qui... » Hansel ne put pas achever sa phrase. Ses yeux se fermèrent. Ses idées devinrent de plus en plus confuses. Il s'étendit sur l'herbe et s'endormit. Le rêve qu'il fit, je veux vous le conter. Dans la nature, rien n'avait changé. L'air était tiède, la lune étincelait. La chanson que l'oiseau venait de commencer s'achevait sans qu'une note y manquât. Un léger brouillard s'élevait de terre. À la pointe de chaque brin d'herbe, la nuit suspendait une goutte de rosée. À quelque distance, sur la hauteur, brillait la pierre sacrée. Tout était si complètement semblable à ce qu'il avait vu peu d'instants auparavant que Hansel avait peine à se croire endormi. Il voulut bouger et ne le put pas. Il lui sembla que la vie, en désertant ses membres épuisés, s'était concentré dans son regard qui perçait ses paupières. Il dormait. Ce qu'il vit au bout de quelques instants ne lui permit plus d'en douter. Jugez-en. Une vapeur légère s'amassa d'abord au pied du monolithe. Après s'être condensée, elle s'éleva lentement autour du marbre, de la base au sommet. L'enfant fit alors un geste d'appel, et des points lumineux apparurent dans les airs. Ils grossirent, et Hansel ne tarda pas à distinguer des anges en grand nombre qui descendaient du ciel à tire-d'aile. Ils mirent pied à terre à peu de distance d'Emmanuel et s'agenouillèrent autour de lui. Les ordres qu'ils reçurent, le sculpteur ne les entendit pas. Mais il vit la phalange ailée se diriger vers le bloc lumineux et monter à pas lents l'escalier de nuages. Lorsque chaque échelon fut occupé, l'air se remplit de bruissements harmonieux. Ce n'était pas de la musique, car il n'était donné à aucune oreille humaine d'en apprécier la forme mélodique. Ce n'était pas la brise, car le hasard n'entrait pour rien dans la composition de ce merveilleux concert. L'air ne se remplit pas de parfums, mais il se dégagea de toute émanation terrestre et devint si pur que Hansel crut respirer pour la première fois. Il vit alors près de la pierre sacrée les arbres frissonner et les branches d'un chêne plusieurs fois centenaires, s'écarter avec respect. Debout sur un plancher de feuillage, la Mère de Dieu s'avançait, radieuse au-devant de son Fils. Elle avait, ce soir-là, puisé dans son écrin céleste et placé l'étoile du berger dans ses cheveux. L'enfant s'approcha d'elle et reçut avec respect le baiser qu'elle déposa sur son front. Puis, après avoir indiqué au divin modèle la pose qu'il devait garder, il fit un signe, et les anges attaquèrent de tous les côtés à la fois la pierre lumineuse à grands coups de leurs ciseaux. Les étincelles jaillissaient comme dans une forge, alors que les lourds marteaux écrasent sur l'enclume le fer rougi. Cette pluie de feu dura une heure. Pendant une heure, l'acier fit pétiller le marbre. Puis, les praticiens ailés s'étant arrêtés, Hansel vit qu'ils avaient ébauché une si merveilleuse statue que Michel-Ange, pour la signer, n'eut pas hésité à détruire toutes ses œuvres. Elle était cependant bien imparfaite encore. C'est ce dont le dormeur se rendit compte lorsque l'enfant, ayant à son tour gravi l'escalier de nuages, eut commencé les retouches. La pierre que la vie pénétrait frissonnait sous les doigts du céleste artiste. Quand l'œuvre fut terminée, l'enfant, tout resplendissant de gloire et de beauté, s'approcha du sculpteur endormi et, le baisant sur le front, murmura un au revoir rassurant. La divine mère accompagna son fils, prenant à sa ceinture une de ces fleurs immortelles nées dans la Sainte Vallée et que nous connaissons sous le nom de rose de Jéricho, elle la plaça dans la main de l'artiste. Puis les anges déployèrent leurs ailes, un rayon de lumière jaillit de l'horizon et tout s'effaça pour ne plus reparaître. Hänsel Eck se réveilla. Une fois sur pied, il se frotta les yeux, regarda de tous côtés. Il était seul en face de la statue qui souriait, caressée par les premières lueurs du matin.